Hein. Je vois la peine sur la tête de mon père voit la haine sur la tête de son gosse. La musique à le papel, y'a plus rien à faire. On veut les poches plus pleines que la vessie à dos. Et en vrai, je veux les gros freshies, fuck les Loki, je veux plus de Teshi. Putain, ce train de vie m'a mochi, tu sais pas ce que j'ai dans le pochi. Le même train de vie en été, je suis pas dans le hamac. J'suis dans le bendo, j'achète maïs, j'suis vers Bamak. J'compte sur le très haut, j'pousse mes frères à faire la salade. J'ai mes grands à mes côtés, à Warstock, Bas et Talat. Y'a personne qui me pille, alors j'suis pas encore arrivé. Tous les jours dans le ghetto, on partage encore nos cœurs. Et plus tu copies ce vide des gens, plus tu changes de mentalité. J'te raconte mon train de vie, jeune banlieusard dans la cité. J'écoute même plus que me dit la pauvre. J'ai dans le téléphone de Clico, j'peux plus revendre la dope. J'ai jamais mis les dans la coco. Je recherche quand il en reste un poco. Faut que je m'éloigne de la zone. Et c'est fascinant, beaucoup même pas ça pour t'en connaître. Je regrette beaucoup de choses que j'ai fait. Plaisir éphémère pour un regret éternel. Traiton s'est mis dans la tête. Donc ton vécu peut pas nous impressionner. Et tu sais que c'est l'équipe de Daddy qui reprend les commandes. Donc c'est de la qualité. Comme à la maison, je suis jamais loin chez moi, à part quand je suis en mission. C'est bien l'auteur Valine, ça devient quoi si sans règle. Je me dirige vers l'oseille, y'a que ça pour soigner mes peines. Y'a déjà des personnes qui m'ont fui, alors que je suis pas encore arrivé. Tous les jours dans le ghetto, on partage encore nos cœurs. Et plus tu écoutes plus ce vide des gens, plus tu changes de mentalité. Je te raconte mon train de vie, jeune banlieusard dans la cité. J'écoute même plus que me dit la peau. J'écoute même plus que me dit la peau. J'ai dans le téléphone de Pico, je peux plus revendre la dope. J'ai jamais mis le nez dans la coco. Je recherche quand il en reste une poco. Faut que je m'éloigne de la zone. C'est pas à l'école, j'apprends à devenir riche. Je me vois pas me lever à 6-10 pour aller travailler pour un fils de riche. On va jamais sucer pour avoir des streams. Y'a crunchy et scotchy, on reparle du passé. Et je pense à l'avenir, si j'ai pas compris, qu'est-ce que je veux devenir. Dans le cul trop azelé, j'aime cette vie impliquée dans le business, c'est tout pour le Wally. Impliqué depuis petit, je vois ça, ça lâche les cours pour la selle. Un revente de moulaga dans le patron, vite décollier. J'suis dans le rap, j'suis dans la com, sur toutes les photos. L'OPJ veut me copier, j'fais les sympas, j'deviens parade. Y'a déjà des personnes qui me pillent, alors que j'suis pas encore arrivé. Tous les jours dans le ghetto, on partage encore nos cœurs. Et plus tu écoutes plus ce vide des gens, plus tu changes de mentalité. J'te raconte mon train de vie, jeune banlieusard dans la cité. J'écoute même plus que me dit la.